L'aquaplanage ou aquaplaning, c'est, sur une route mouillée, une perte d'adhérence due à la formation d'une pellicule d'eau. Il y a toujours un risque d'aquaplanage quand la route est mouillée, et encore plus si les pneus sont usés. Plus ils sont usés, moins ils évacuent l'eau facilement. Quand il y a aquaplanage, les pneus ne sont plus en contact avec le bitume et il y a un risque de perte de contrôle de la voiture. Il est donc souhaitable de ralentir et d'avoir des pneus en bon état. Réponse A et C.